Deuxième partie, la femme sans cœur. Après être resté silencieux pendant un moment, Raphaël dit en laissant échapper un geste d'insouciance, « Je ne sais en vérité s'il ne faut pas attribuer aux fumées du vin et du punch l'espèce de lucidité qui me permet d'embrasser en cet instant toute ma vie comme un même tableau, où les figures, les couleurs, les ombres, les lumières, les demi-teintes sont fidèlement rendues. Ce jeu poétique de mon imagination ne m'étonnerait pas, s'il n'était accompagné d'une sorte de dédain pour mes souffrances et pour mes joies passées. Vu à distance, ma vie est comme rétrécie par un phénomène moral. Cette longue et lente douleur qui a duré 10 ans peut aujourd'hui se reproduire par quelques phrases dans lesquelles la douleur ne sera plus qu'une pensée, et le plaisir une réflexion philosophique. Je juge au lieu de sentir. « Tu es ennuyé comme un amendement, » s'écria Émile. « C'est possible, » reprit Raphaël sans murmurer. « Aussi, pour ne pas abuser de tes oreilles, te ferai-je grâce des 17 premières années de ma vie. Jusque-là, j'ai vécu comme toi, comme 1000 autres, de cette vie de collège ou de lycée, dont maintenant nous nous rappelons tous avec tant de délices les malheurs fictifs et les joies réelles, à laquelle notre gastronomie blasée redemande les légumes de vendredi, tant que nous ne les avons pas goûtés de nouveau. Belle vie, dont nous méprisons les travaux, qui cependant nous ont appris le travail. Arrive au drame, dit Émile d'un air à moitié comique et moitié plaintif. Quand je sortis du collège, reprit Raphaël, en réclamant par un geste le droit de continuer, mon père m'astreignit à une discipline sévère. Il me logea dans une chambre contiguë à son cabinet. Je me couchais dès 9 heures du soir et me levais à 5 heures du matin. Il voulait que je fisse mon droit en conscience. J'allais en même temps à l'école et chez un avoué. Mais les lois du temps et de l'espace étaient si sévèrement appliquées à mes courses, à mes travaux, et mon père me demandait en dînant un compte si rigoureux de « Qu'est-ce que cela me fait ?» dit Émile. « Eh, que le diable t'emporte !» répondit Raphaël. « Comment pourras-tu concevoir mes sentiments si je ne te raconte pas les faits imperceptibles qui influèrent sur mon âme, la façonnèrent à la crainte et me laissèrent longtemps dans la naïveté primitive du jeune homme ?» Ainsi, jusqu'à 21 ans, j'étais courbé sous un despotisme aussi froid que celui d'une règle monacale. Pour te révéler les tristesses de ma vie, il suffira peut-être de te dépeindre mon père. Un grand homme, sec et mince, le visage en lame de couteau, le teint pâle, à paroles brèves, taquin comme une vieille fille, méticuleux comme un chef de bureau. Sa paternité planait au-dessus de mes lutines et joyeuses pensées, et les enfermait comme sous un dôme de plomb. Si je voulais lui manifester un sentiment doux et tendre, il me recevait en enfant qui va dire une sottise. Je le redoutais bien plus que nous ne craignions naguère nos maîtres d'études. J'avais toujours 8 ans pour lui. Je crus encore le voir devant moi, dans sa redingote marron, où il se tenait droit comme un siège pascal. Il avait l'air d'un hareng sort enveloppé dans la couverture rougeâtre d'un pamphlet. Cependant, j'aimais mon père. Au fond, il était juste. Peut-être ne haïssons-nous pas la sévérité quand elle est justifiée par un grand caractère, par des mœurs pures, et qu'elle est adroitement entremêlée de bonté. Si mon père ne me quitta jamais, si jusqu'à l'âge de 20 ans il ne laissa pas 10 francs à ma disposition, 10 coquins, 10 libertins de francs, trésor immense, dont la possession vainement enviée me faisait rêver d'ineffables délices, il cherchait du moins à me procurer quelques distractions. Après m'avoir promis un plaisir pendant des mois entiers, il me conduisait au Bouffon, à un concert, à un bal, où j'espérais rencontrer une maîtresse. Une maîtresse, c'était pour moi l'indépendance. Mais, honteux et timide, ne sachant point l'idiome des salons et n'y connaissant personne, j'en revenais le cœur toujours aussi neuf et tout aussi gonflé de désir. Puis, le lendemain, bridé comme un cheval d'escadron par mon père, dès le matin, je retournais chez un avoué au droit, au palais. Vouloir m'écarter de la route uniforme qu'il m'avait tracée, c'eût été m'exposer à sa colère. Il m'avait menacé de m'embarquer à ma première faute en qualité de mousse pour les Antilles. Aussi me prenait-il un horrible frisson quand par hasard j'osais m'aventurer, pendant 1 heure ou 2, dans quelques parties de plaisir. Figure-toi l'imagination la plus vagabonde, le cœur le plus amoureux, l'âme la plus tendre, l'esprit le plus poétique, sans cesse en présence de l'homme le plus caillouteux, le plus atrabilaire, le plus froid du monde. Enfin, marie une jeune fille à un squelette, et tu comprendras l'existence dont tu m'interdis de te développer les scènes curieuses. Projet de fuite évanoui à l'aspect de mon père, désespoir calmé par le sommeil, désir comprimé, sombre mélancolie dissipée par la musique. J'exhalais mon malheur en mélodie. Beethoven ou Mozart furent souvent mes discrets confidents. Aujourd'hui, je souris en me souvenant de tous les préjugés qui troublaient ma conscience à cette époque d'innocence et de vertu. Si j'avais mis le pied chez un restaurateur, je me serais cru ruiné. Mon imagination me faisait considérer un café comme un lieu de débauche, où les hommes se perdaient d'honneur et engageaient leur fortune. Quant à risquer de l'argent au jeu, il aurait fallu en avoir. Oh, quand je devrais t'endormir, je veux te raconter l'une des plus terribles joies de ma vie, une de ces joies armées de gris et qui s'enfonce dans notre cœur comme un fer chaud sur l'épaule d'un forçat. J'étais au bal chez le duc de Navarin, cousin de mon père. Mais pour que tu puisses parfaitement comprendre ma position, apprends que j'avais un habit râpé, des souliers mal faits, une cravate de cocher et des gants déjà portés. Je me mis dans un coin afin de le pouvoir tout à mon aise prendre des glaces et contempler les jolies femmes. Mon père m'aperçut. Par une raison que je n'ai jamais devinée, tant cet acte de confiance m'abasourdit, il me donna sa bourse et ses clés à garder. À 10 pas de moi, quelques hommes jouaient. J'entendais frétiller l'or. J'avais 20 ans. Je souhaitais passer une journée entière plongée dans les crimes de mon âge. C'était un libertinage d'esprit dont nous ne trouverions l'analogue ni dans les caprices de courtisanes, ni dans les songes des jeunes filles. Depuis 1 an, je me rêvais bien mis, en voiture, avec une belle femme à mes côtés, tranchant du Seigneur, dînant chez Véry, allant le soir au spectacle, décidé à ne revenir que le lendemain chez mon père, mais armé contre lui d'une aventure plus intriguée que ne l'est le mariage de Figaro, et dont il aurait été impossible de se dépêtrer. J'avais estimé toute cette joie 50 écus. N'étais-je pas encore sous le charme naïf de l'école buissonnière? J'allais donc dans un boudoir, où, seul, les yeux cuisants, les doigts tremblants, je comptais l'argent de mon père, 100 écus. Évoqués par cette somme, les joies de mon escapade apparurent devant moi, dansant comme les sorcières de Macbeth autour de leur chaudière, mais alléchantes, frémissantes, délicieuses. Je devins un coquin déterminé. Sans écouter ni les tintements de mon oreille, ni les battements précipités de mon cœur, je pris 2 pièces de 20 francs que je vois encore. Leur millésime était effacé et la figure de Bonaparte y grimaçait. Après avoir mis la bourse dans ma poche, je rampais vers une table de jeu en tenant les 2 pièces d'or dans la paume humide de ma main, et je rôdais autour des joueurs comme un émouché au-dessus d'un poulailler. En proie à des angoisses inexprimables, je jetais soudain un regard translucide autour de moi. Certain de n'être aperçu par aucune personne de connaissance, je pariais pour un petit homme gras et réjoui, sur la tête duquel j'accumulais plus de prières et de vœux qu'il ne s'en fait en mer pendant 3 tempêtes. Puis, avec un instinct de scélératesse ou de machiavélisme surprenant à mon âge, j'allais me planter près d'une porte, regardant à travers les salons sans y rien voir. Mon âme et mes yeux voltigeaient autour du fatal tapis vert. De cette soirée date la première observation physiologique à laquelle j'ai dû cette espèce de pénétration qui m'a permis de saisir quelques mystères de notre double nature. Je tournais le dos à la table où se disputait mon futur bonheur. Bonheur d'autant plus profond peut-être qu'il était criminel. Entre les 2 joueurs et moi, il se trouvait une haie d'hommes, épaisse de 4 ou 5 rangées de causeurs. Le bourdonnement des voix empêchait de distinguer le son de l'or qui se mêlait au bruit de l'orchestre. Malgré tous ces obstacles, par un privilège accordé aux passions et qui leur donne le pouvoir d'anéantir l'espace et le temps, j'entendais distinctement les paroles des 2 joueurs. Je connaissais leurs points. Je savais celui des 2 qui retournait le roi comme si j'eusse vu les cartes. Enfin, à 10 pas du jeu, je pâlissais de ses caprices. Mon père passa devant moi tout à coup. Je compris alors cette parole de l'Écriture. L'Esprit de Dieu passa devant sa face. J'avais gagné. À travers le tourbillon d'hommes qui gravitait autour des joueurs, j'accourus à la table en m'y glissant avec la dextérité d'une anguille qui s'échappe par la maille rompue d'un filet. De douloureuse, mes fibres devinrent joyeuses. J'étais comme un condamné qui, marchant au supplice, a rencontré le roi. Par hasard, un homme décoré réclama 40 francs qui manquaient. Je fus soupçonné par des yeux inquiets. Je pâlis, et des gouttes de sueur sillonnèrent mon front. Le crime d'avoir volé mon père me parut bien vengé. Le bon gros petit homme dit alors d'une voix certainement angélique « Tous ces messieurs avaient mis !» et paya les 40 francs. Je relevai mon front et jetai des regards triomphants sur les joueurs. Après avoir réintégré dans la bourse de mon père l'or que j'y avais pris, je laissai mon gain à ce digne et honnête monsieur qui continua de gagner. Dès que je me vis possesseur de 160 francs, je les enveloppai dans mon mouchoir de manière à ce qu'ils ne puissent ni remuer ni sonner pendant notre retour au logis, et ne jouaient plus. « Que faisiez-vous au jeu ?» me dit mon père en entrant dans le fiacre. « Je regardais, » répondis-je en tremblant. « Mais, » reprit mon père, « il n'y aurait eu rien d'extraordinaire à ce que vous eussiez été forcé, par amour-propre, à mettre quelque argent sur le tapis. Aux yeux des gens du monde, vous paraissez assez âgé pour avoir le droit de commettre des sottises. « Aussi vous excuserais-je, Raphaël, si vous étiez servi de ma bourse. » Je ne répondis rien. Quand nous fûmes de retour, je rendis à mon père ses clés et son argent. En rentrant dans sa chambre, il vida la bourse sur sa cheminée, compta l'or, se tourna vers moi d'un air assez gracieux et me dit, en séparant chaque phrase par une pause plus ou moins longue et significative, « Mon fils, vous avez bientôt 20 ans. Je suis content de vous. Il vous faut une pension. Ne fût-ce que pour vous apprendre à économiser, à connaître les choses de la vie. Dès ce soir, je vous donnerai 100 francs par mois. Vous disposerez de votre argent comme il vous plaira. Voici le premier trimestre de cette année, » ajouta-t-il en caressant une pile d'or, comme pour vérifier la somme. J'avoue que je fus prêt à me jeter à ses pieds, à lui déclarer que j'étais un brigand, un infâme et, pire que cela, un menteur. La honte me retint. J'allais l'embrasser, il me repoussa faiblement. « Maintenant, tu es un homme, mon enfant, » me dit-il. « Ce que je fais est une chose simple et juste dont tu ne dois pas me remercier. Si j'ai droit à votre reconnaissance, Raphaël, » reprit-il d'un ton doux mais plein de dignité, « c'est pour avoir préservé votre jeunesse des malheurs qui dévorent tous les jeunes gens à Paris. Désormais, nous serons deux amis. Vous deviendrez, dans un an, docteur en droit. Vous avez, non sans quelques déplaisirs et certaines privations, acquis les connaissances solides et l'amour du travail si nécessaire aux hommes appelés à manier les affaires. Apprenez, Raphaël, à me connaître. Je ne veux faire de vous ni un avocat, ni un notaire, mais un homme d'État, qui puisse devenir la gloire de notre pauvre maison. À demain, » ajouta-t-il en me renvoyant par un geste mystérieux. Dès ce jour, mon père m'initia franchement à ses projets. J'étais fils unique et j'avais perdu ma mère depuis 10 ans. Aujourd'hui, peu flatté d'avoir le droit de labourer la terre, l'épée au côté, mon père, chef d'une maison historique à peu près oubliée en Auvergne, vint à Paris pour y tenter le diable. Doué de cette finesse qui rend les hommes du midi de la France si supérieurs quand elle se trouve accompagnée d'énergie, il était parvenu sans grand appui à prendre position au cœur même du pouvoir. La Révolution renversa bientôt sa fortune, mais il avait su épouser l'héritière d'une grande maison et s'était vu sous l'Empire au moment de restituer à notre famille son ancienne splendeur. La restauration qui rendit à ma mère des biens considérables ruina mon père. Ayant jadis acheté plusieurs terres données par l'empereur à ses généraux et situées en pays étranger, il luttait depuis 10 ans avec des liquidateurs et des diplomates, avec les tribunaux prussiens et bavarois pour se maintenir dans la position contestée de ses malheureuses dotations. Mon père me jeta dans le labyrinthe inextricable de ce vaste procès d'où dépendait notre avenir. Nous pouvions être condamnés à restituer les revenus par lui perçus, ainsi que le prix de certaines coupes de bois faites de 1814 à 1817. Dans ce cas, le bien de ma mère suffisait à peine pour sauver l'honneur de notre nom. Ainsi, le jour où mon père parut en quelque sorte m'avoir émancipé, je tombais sous le joug le plus odieux. Je dus combattre comme sur un champ de bataille, travailler nuit et jour, aller voir des hommes d'État, tâcher de surprendre leur religion, tenter de les intéresser à notre affaire, les séduire, eux, leurs femmes, leurs valets, leurs chiens, et déguiser cet horrible métier sous des formes élégantes, sous d'agréables plaisanteries. Je compris tous les chagrins dont l'empreinte flétrissait la figure de mon père. Pendant une année environ, je menais donc en apparence la vie d'un homme du monde. mais cette dissipation et mon empressement à me lier avec des parents en faveur ou avec des gens qui pouvaient nous être utiles cachaient d'immenses travaux. Mes divertissements étaient encore des plaidoiries et mes conversations des mémoires. Jusque-là, j'avais été vertueux par l'impossibilité de me livrer à mes passions de jeune homme. Mais craignant alors de causer la ruine de mon père ou la mienne par une négligence, je devins mon propre despote et n'osais me permettre ni un plaisir ni une dépense. Lorsque nous sommes jeunes, quand, à force de froissement, les hommes et les choses ne nous ont point encore enlevé cette délicate fleur de sentiment, cette verdeur de pensée, cette noble pureté de conscience qui ne nous laisse jamais transiger avec le mal, nous sentons vivement nos devoirs. Notre honneur parle haut et se fait écouter. Nous sommes francs et sans détour. Ainsi étais-je alors. Je voulais justifier la confiance de mon père. Naguère, je lui aurais dérobé délicieusement une chétive somme, mais, portant avec lui le fardeau de ses affaires, de son nom, de sa maison, je lui eusse donné secrètement mes biens, mes espérances, comme je lui sacrifiais mes plaisirs, heureux même de mon sacrifice. Aussi, quand M. de Villèle exhuma, tout exprès pour nous, un décret impérial sur les déchéances et nous eut ruinés, signai-je la vente de mes propriétés, n'en gardant qu'une île sans valeur, située au milieu de la Loire et où se trouvait le tombeau de ma mère. Aujourd'hui, peut-être, les arguments, les détours, les discussions philosophiques, philanthropiques et politiques ne me manqueraient pas pour me dispenser de faire ce que mon avoué nommait une bêtise. Mais à 21 ans, nous sommes, je le répète, tout générosité, tout chaleur, tout amour. Les larmes que je vis dans les yeux de mon père furent alors pour moi la plus belle des fortunes, et le souvenir de ces larmes a souvent consolé ma misère. 10 mois après avoir payé ses créanciers, mon père mourut de chagrin. Il m'adorait et m'avait ruiné. Cette idée le tua. En 1826, à l'âge de 22 ans, vers la fin de l'automne, je suivis tout seul le convoi de mon premier ami, de mon père. Peu de jeunes gens se sont trouvés seuls avec leurs pensées derrière un corbillard, perdu dans Paris, sans avenir, sans fortune. Les orphelins recueillis par la charité publique, ôtent au moins pour avenir le champ de bataille, pour père le gouvernement ou le procureur du roi, pour refuge un hospice. Moi, je n'avais rien. 3 mois après, un commissaire-priseur me remit 1112 francs, produit net et liquide de la succession paternelle. Des créanciers m'avaient obligé à vendre notre mobilier. Accoutumé dès ma jeunesse à donner une grande valeur aux objets de luxe dont j'étais entouré, je ne pus m'empêcher de marquer une sorte d'étonnement à l'aspect de ce reliquat exigu. « Oh !» me dit le commissaire-priseur, « tout cela était bien rococo. » Mot épouvantable qui flétrissait toutes les religions de mon enfance et me dépouillait de mes premières illusions les plus chères de toutes. Ma fortune s'est résumée par un bordereau de vente. Mon avenir gisait dans un sac de toile qui contenait 1112 francs. La société m'apparaissait en la personne d'un huissier-priseur qui me parlait le chapeau sur la tête. Un valet de chambre qui me chérissait et auquel ma mère avait jadis constitué 400 francs de rente viagère. Jonathan me dit en quittant la maison, d'où j'étais si souvent sorti joyeusement en voiture pendant mon enfance, « Soyez bien économe, monsieur Raphaël. » Il pleurait, le bonhomme. Tels sont, mon cher Émile, les événements qui maîtrisèrent ma destinée, modifièrent mon âme et me placèrent jeune encore dans la plus fausse de toutes les situations sociales. Des liens de famille, mais faibles, m'attachaient à quelques maisons riches dont l'accès m'eût été interdit par ma fierté, si le mépris et l'indifférence ne m'en eussent déjà fermé les portes. Quoique parent de personnes très influentes et prodigues de leur protection pour des étrangers, je n'avais ni parents ni protecteurs. Sans cesse arrêtée dans ses expansions, mon âme s'était repliée sur elle-même. Plein de franchise et de naturel, je devais paraître froid, dissimulé. Le despotisme de mon père m'avait ôté toute confiance en moi. J'étais timide et gauche, je ne croyais pas que ma voix pût exercer le moindre empire, je me déplaisais, je me trouvais laid, j'avais honte de mon regard. Malgré la voix intérieure qui doit soutenir les hommes de talent dans leur lutte et qui me criait « courage, marche », malgré les révélations soudaines de ma puissance dans la solitude, malgré l'espoir dont j'étais animé en comparant les ouvrages nouveaux admirés du public à ceux qui voltigeaient dans ma pensée, je doutais de moi comme un enfant. J'étais la proie d'une excessive ambition. Je me croyais destiné à de grandes choses et me sentais dans le néant. J'avais besoin des hommes et je me trouvais sans amis. Je devais me frayer une route dans le monde, et j'y restais seul, moins craintif que honteux. Pendant l'année où je fus jeté par mon père dans le tourbillon de la haute société, j'y vins avec un cœur neuf, avec une âme fraîche. Comme tous les grands enfants, j'aspirais secrètement à de belles amours. Je rencontrais parmi les jeunes gens de mon âge une secte de fanfarons qui allaient tête levée, disant des riens, s'asseyant sans trembler près des femmes qui me semblaient les plus imposantes, débitant des impertinences, mâchant le bout de leur canne, minaudant, se prostituant à eux-mêmes les plus jolies personnes, mettant ou prétendant avoir mis leur tête sur tous les oreillers, ayant l'air d'être au refus du plaisir, considérant les plus vertueuses, les plus prudes, comme de prise facile, et pouvant être conquises à la simple parole, au moindre geste hardi, par le premier regard insolent. Je te le déclare, en mon âme et conscience, la conquête du pouvoir ou d'une grande renommée littéraire me paraissait un triomphe moins difficile à obtenir qu'un succès auprès d'une femme de haut rang, jeune, spirituelle et gracieuse. Je trouvais donc les troubles de mon cœur, mes sentiments, mes cultes en désaccord avec les maximes de la société. J'avais de la hardiesse, mais dans l'âme seulement, et non dans les manières. J'ai su plus tard que les femmes ne voulaient pas être mendiées. J'en ai beaucoup vu que j'adorais de loin, auquel je livrais un cœur à toute épreuve, une âme à déchirer, une énergie qui ne s'effrayait ni des sacrifices ni des tortures. Elles appartenaient à des sots dont je n'aurais pas voulu pour portier. Combien de fois, muet, immobile, n'ai-je pas admiré la femme de mes rêves, surgissant dans un bal? Dévouant alors en pensée mon existence à des caresses éternelles, j'imprimais toutes mes espérances en un regard, et lui offrait dans mon extase un amour de jeune homme qui courait au-devant des tromperies. En certains moments, j'aurais donné ma vie pour une seule nuit. Eh bien, n'ayant jamais trouvé d'oreille à qui confier mes propos passionnés, de regard où reposer les miens, de cœur pour mon cœur, j'ai vécu dans tous les tourments d'une impuissante énergie qui se dévorait elle-même, soit faute de hardiesse ou d'occasion, soit inexpérience. Peut-être ai-je désespéré de me faire comprendre ou tremblais d'être trop compris. Et cependant, j'avais un orage tout prêt à chaque regard poli que l'on pouvait m'adresser. Malgré ma promptitude à prendre ce regard, ou des mots en apparence affectueux comme de tendres engagements, je n'ai jamais osé ni parler ni me taire à propos. À force de sentiments, ma parole était insignifiante et mon silence était stupide. J'avais sans doute trop de naïveté pour une société factice qui vit aux lumières et rend toutes ses pensées par des phrases convenues, ou des mots que dicte la mode. Puis, je ne savais point parler en me taisant, ni me taire en parlant. Enfin, gardant en moi des feux qui me brûlaient, ayant une âme semblable à celle que les femmes souhaitent de rencontrer, en proie à cette exaltation dont elles sont avides, possédant l'énergie dont se vantent les sots, toutes les femmes m'ont été traîtreusement cruelles. Aussi, admirais-je naïvement les héros de coterie quand ils célébraient leur triomphe, sans les soupçonner de mensonges. J'avais sans doute le tort de désirer un amour sur parole, de vouloir trouver grande et forte dans un cœur de femme frivole et légère, affamée de luxe, ivre de vanité, cette passion large, cet océan qui battait tempétueusement dans mon cœur. Oh, se sentir né pour aimer, pour rendre une femme bien heureuse, et ne pas avoir trouvé même une courageuse et noble Marceline ou quelque vieille marquise, porter des trésors dans une besace, et ne pouvoir rencontrer personne, pas même une enfant, quelque jeune fille curieuse, pour les lui faire admirer, j'ai souvent voulu me tuer de désespoir. « Joliment tragique ce soir !» s'écria Émile. « Eh, laisse-moi condamner ma vie !» répondit Raphaël. « Si ton amitié n'a pas la force d'écouter mes élégies, si tu ne peux me faire crédit d'une demi-heure d'ennui, dors. Mais ne me demande plus compte de mon suicide qui gronde, qui se dresse, qui m'appelle et que je salue. Pour juger un homme, au moins faut-il être dans le secret de sa pensée, de ses malheurs, de ses émotions. Ne vouloir connaître de sa vie que les événements matériels, c'est faire de la chronologie, l'histoire des sots. » Le ton amer avec lequel ces paroles furent prononcées frappa si vivement Émile que dès ce moment, il prêta toute son attention à Raphaël en le regardant d'un air hébété. « Mais, reprit le narrateur, maintenant la lueur qui colore ces accidents leur prête un nouvel aspect. L'ordre des choses, que je considérais jadis comme un malheur, a peut-être engendré les belles facultés dont plus tard je me suis enorgueilli. La curiosité philosophique, les travaux excessifs, L'amour de la lecture, qui, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à mon entrée dans le monde, ont constamment occupé ma vie, ne m'aurait-il pas doué de la facile puissance avec laquelle, s'il faut vous en croire, je sais rendre mes idées et marcher en avant dans le vaste champ des connaissances humaines? L'abandon auquel j'étais condamné, l'habitude de refouler mes sentiments et de vivre dans mon cœur ne m'ont-ils pas investi du pouvoir de comparer, de méditer? En ne se perdant pas au service des irritations mondaines qui rapetissent la plus belle âme et la réduisent à l'état de guenille, ma sensibilité ne s'est-elle pas concentrée pour devenir l'organe perfectionné d'une volonté plus haute que le vouloir de la passion? Méconnu par les femmes, je me souviens de les avoir observées avec la sagacité de l'amour dédaigné. Maintenant, je le vois, la sincérité de mon caractère a dû leur déplaire. Peut-être veulent-elles un peu d'hypocrisie? Moi qui suis tour à tour, dans la même heure, homme et enfant, fut-il et penseur, sans préjugés et plein de superstitions, souvent femme comme elles, n'ont-elles pas dû prendre ma naïveté pour du cynisme, et la pureté même de ma pensée pour du libertinage? La science leur était ennui, la langueur féminine faiblesse. Cette excessive mobilité d'imagination, le malheur des poètes, me faisait sans doute juger comme un être incapable d'amour, sans constance dans les idées, sans énergie. Idiot quand je me taisais, je les effarouchais peut-être quand j'essayais de leur plaire. Les femmes m'ont condamné. J'ai accepté, dans les larmes et le chagrin, l'arrêt porté par le monde. Cette peine a produit son fruit. Je voulus me venger de la société. Je voulus posséder l'âme de toutes les femmes en me soumettant les intelligences et voir tous les regards fixés sur moi comme mon nom serait prononcé par un balai à la porte d'un salon. Je m'instituais grand homme. Dès mon enfance, je m'étais frappé le front en me disant, comme André de Chénier, « Il y a quelque chose là ». Je croyais sentir en moi une pensée à exprimer, un système à établir, une séance à expliquer. Oh, mon cher Émile, aujourd'hui que j'ai 26 ans à peine, que je suis sûr de mourir inconnu, sans avoir jamais été l'amant de la femme que j'ai rêvé de posséder, laisse-moi te conter mes folies. N'avons-nous pas tous, plus ou moins, pris nos désirs pour des réalités? Ah, je ne voudrais point pour ami d'un jeune homme qui, dans ses rêves, ne se serait pas tressé des couronnes, construit quelques piédestals ou donné de complaisantes maîtresses. Moi, j'ai souvent été général, empereur, j'étais Byron, puis rien. Après avoir joué sur le fait des choses humaines, je m'apercevais que toutes les montagnes, toutes les difficultés restaient à gravir. Cet immense amour-propre qui bouillonnait en moi, cette croyance sublime à une destinée, et qui devient du génie peut-être quand un homme ne se laisse pas déchiqueter l'âme par le contact des affaires, aussi facilement qu'un mouton abandonne sa laine, aux épines des alliés où il passe, tout cela me sauva. Je voulus me couvrir de gloire et travailler dans le silence pour la maîtresse que j'espérais avoir un jour. Toutes les femmes se résumaient par une seule, et cette femme, je croyais la rencontrer dans la première qui s'offrait à mes regards. Mais, voyant une reine dans chacune d'elles, toutes devaient, comme les reines qui sont obligées de faire des avances à leurs amants, venir un peu au-devant de moi, souffreteux, pauvre et timide. Ah, pour celle qui m'eût plaint, j'avais dans le cœur tant de reconnaissance, outre l'amour, que je l'eusse adorée pendant toute sa vie. Plus tard, mes observations m'ont appris de cruelles vérités. Ainsi, mon cher Émile, je risquais de vivre éternellement seul. Les femmes sont habituées, par je ne sais quelle pente de leur esprit, à ne voir dans un homme de talent que ses défauts, et dans un sot que ses qualités. Elles éprouvent de grandes sympathies pour les qualités du sot qui sont une flatterie perpétuelle de leurs propres défauts, tandis que l'homme supérieur ne leur offre pas assez de jouissance pour compenser ses imperfections. Le talent est une fièvre intermittente. Nulle femme n'est jalouse d'en partager seulement les malaises. Toutes veulent trouver dans leurs amants des motifs de satisfaire leur vanité. C'est elles encore qu'elles aiment en nous. Un homme pauvre, fier, artiste, doué du pouvoir de créer, n'est-il pas armé d'un blessant égoïsme? Il existe autour de lui je ne sais quel tourbillon de pensée dans lequel il enveloppe tout, même sa maîtresse, qui doit en suivre le mouvement. Une femme adulée peut-elle croire à l'amour d'un tel homme? Ira-t-elle le chercher? Cet amant n'a pas le loisir de s'abandonner autour d'un divan à ces petites singeries de sensibilité auxquelles les femmes tiennent tant et qui sont le triomphe de gens faux et insensibles. Le temps manque à ses travaux. Comment en dépenserait-il à se rapetisser, à se chamarrer? Prêt à donner ma vie d'un coup, je ne l'aurais pas avilie en détail. Enfin, il existe, dans le manège d'un agent de change qui fait les commissions d'une femme pâle et minaudière, je ne sais quoi de mesquin, dont l'artiste a horreur. L'amour abstrait ne suffit pas à un homme pauvre et grand. Il en veut tous les dévouements. Les petites créatures qui passent leur vie à essayer des cachemires où se font les porte-manteaux de la mode n'ont pas de dévouement. Elles en exigent et voient dans l'amour le plaisir de commander, non celui d'obéir. La véritable épouse en cœur, en chair et en os, se laisse traîner là où va celui en qui réside sa vie, sa force, sa gloire, son bonheur. Aux hommes supérieurs, il faut des femmes orientales, dont l'unique pensée soit l'étude de leurs besoins. Pour eux, le malheur est dans le désaccord de leurs désirs et des moyens. Moi, qui me croyais homme de génie, j'aimais précisément ces petites maîtresses. Nourrissant des idées si contraires aux idées reçues, ayant la prétention d'escalader le ciel sans échelle, possédant des trésors qui n'avaient pas cours, armé de connaissances étendues qui surchargeaient ma mémoire et que je n'avais pas encore classées, que je ne m'étais point assimilé, me trouvant sans parents, sans amis, seul au milieu du plus affreux désert, un désert pavé, un désert animé, pensant, vivant, où tout faisait bien plus qu'ennemi, indifférent. La résolution que je pris était naturelle, quoique folle. Elle comportait je ne sais quoi d'impossible qui me donna du courage. Ce fut comme un parti fait avec moi-même et dont j'étais le joueur et l'enjeu. Voici mon plan. Mes 1100 francs devaient suffire à ma vie pendant 3 ans. Je m'accordais ce temps pour mettre au jour un ouvrage qui pût attirer l'attention publique sur moi, me faire une fortune ou un nom. Je me réjouissais en pensant que j'allais vivre de pain et de lait, comme un solitaire de la Thébaïde, plongé dans le monde des livres et des idées, dans une sphère inaccessible, au milieu de ce Paris si tumultueux, sphère de travail et de silence, où, comme les chrysalides, je me bâtissais une tombe pour renaître brillant et glorieux. J'allais risquer de mourir pour vivre. En réduisant l'existence à ses vrais besoins, au strict nécessaire, je trouvais que 365 francs par an devaient suffire à ma pauvreté. En effet, cette maigre somme a satisfait à ma vie, tant que j'ai voulu subir ma propre discipline claustrale. « C'est impossible, » s'écria Émile. « J'ai vécu près de 3 ans ainsi, » répondit Raphaël, avec une sorte de fierté. « Comptons, » reprit-il, « 3 sous de pain, 2 sous de lait, 3 sous de charcuterie m'empêchaient de mourir de faim et tenaient mon esprit dans un état de lucidité singulière. J'ai observé, tu le sais, de merveilleux effets produits par la diète sur l'imagination. Mon logement me coûtait 3 sous par jour. Je brûlais pour 3 sous d'huile par nuit. Je faisais moi-même ma chambre. Je portais des chemises de flanelle pour ne dépenser que 2 sous de blanchissage par jour. Je me chauffais avec du charbon de terre, dont le prix divisé par les jours de l'année n'a jamais donné plus de 2 sous pour chacun. J'avais des habits, du linge, des chaussures pour 3 années. Je ne voulais m'habiller que pour aller à certains cours publics et aux bibliothèques. Ces dépenses réunies ne faisaient que 18 sous. Il me restait 2 sous pour les choses imprévues. Je ne me souviens pas d'avoir, pendant cette longue période de travail, passé le pont des Arts, ni d'avoir jamais acheté d'eau. J'allais en chercher le matin à la fontaine de la place Saint-Michel, au coin de la rue des Grès. Oh, je portais ma pauvreté fièrement. Un homme qui pressent un bel avenir marche dans sa vie de misère comme un innocent conduit au supplice. Il n'a point honte. Je n'avais pas voulu prévoir la maladie. Comme Aquilina, j'envisageais l'hôpital sans terreur. Je n'ai pas douté un moment de ma bonne santé. D'ailleurs, le pauvre ne doit se coucher que pour mourir. Je me coupais les cheveux jusqu'au moment où un ange d'amour ou de bonté, mais je ne veux pas anticiper sur la situation à laquelle j'arrive. Apprends seulement, mon cher ami, qu'à défaut de maîtresse, je vécus avec une grande pensée, avec un rêve, un mensonge auquel nous commençons tous par croire plus ou moins. Aujourd'hui, je ris de moi, de ce moi peut-être saint et sublime, qui n'existe plus. La société, le monde, nos usages, nos mœurs, vus de près, m'ont révélé le danger de ma croyance innocente et la superfluité de mes fervents travaux. Ces approvisionnements sont inutiles à l'ambitieux. Que léger soit le bagage de qui poursuit la fortune. La faute des hommes supérieurs est de dépenser leurs jeunes années à se rendre dignes de la faveur, pendant qu'ils thésaurisent leur force et la science pour porter sans effort le poids d'une puissance qui les fuit. Les intrigants, riches de mots et dépourvus d'idées, vont et viennent, surprennent les sots et se logent dans la confiance des demi-niais. Les uns étudient, les autres marchent. Les uns sont modestes, les autres hardis. L'homme de génie tait son orgueil. L'intrigant arbore le sien et doit arriver nécessairement. Les hommes du pouvoir ont si fort besoin de croire au mérite tout fait, au talent effronté, qu'il y a chez le vrai savant de l'enfantillage à espérer des récompenses humaines. Je ne cherche certes pas à paraphraser les lieux communs de la vertu, le cantique des cantiques éternellement chanté par les génies méconnus. Je veux déduire logiquement la raison des fréquents succès obtenus par les hommes médiocres. Hélas, l'étude est si maternellement bonne qu'il y a peut-être crime à lui demander des récompenses autres que les pures et douces joies dont elle nourrit ses enfants. Je me souviens d'avoir quelquefois trempé gaiement mon pain dans mon lait, assis auprès de ma fenêtre, en y respirant l'air, en laissant planer mes yeux sur un paysage de toits bruns, grisâtres, rouges, en ardoise, en tuiles, couverts de mousse, jaune ou verte. Si d'abord cette vue me parut monotone, j'y découvris bientôt de singulières beautés. Tantôt le soir des raies lumineuses, parties des volets mal fermés, nuançaient et animaient les noires profondeurs de ce pays original. Tantôt les lueurs pâles des réverbères projetaient d'en bas des reflets jaunâtres à travers le brouillard et accusaient faiblement dans les rues les ondulations de ces toits pressés, océan de vagues immobiles. Parfois, de rares figures apparaissaient au milieu de ce morne désert. Parmi les fleurs de quelques jardins aériens, j'entrevoyais le profil anguleux et crochu d'une vieille femme arrosant des capucines, ou dans le cadre d'une lucarne pourrie, quelque jeune fille faisant sa toilette, se croyant seule, et dont je ne pouvais apercevoir que le beau front et les longs cheveux élevés en l'air par un joli bras blanc. J'admirais dans les gouttières quelques végétations éphémères, pauvres herbes bientôt emportées par un orage. J'étudiais les mousses, leurs couleurs ravivées par la pluie, et qui sous le soleil se changeaient en un velours sec et brun à reflets capricieux. Enfin, les poétiques et fugitifs effets du jour, les tristesses du brouillard, les soudains pétillements du soleil, le silence et les magies de la nuit, les mystères de l'aurore, les fumées de chaque cheminée, tous les accidents de cette singulière nature m'étaient devenus familiers et me divertissaient. J'aimais ma prison, elle était volontaire. Ces savanes de Paris formées par des toits nivelés comme une plaine, mais qui couvraient des abîmes peuplés, allaient à mon âme et s'harmoniaient avec mes pensées. Il est fatigant de retrouver brusquement le monde quand nous descendons des hauteurs célestes où nous entraînent les méditations scientifiques. Aussi ai-je alors parfaitement conçu la nudité des monastères. Quand je fus bien résolu à suivre mon nouveau plan de vie, je cherchais mon logis dans les quartiers les plus déserts de Paris. Un soir, en revenant de l'estrapade, je passai par la rue des Cordiers pour retourner chez moi. À l'angle de la rue de Cluny, je vis une petite fille d'environ 14 ans qui jouait au volant avec une de ses camarades et dont les rires et les espiègleries amusaient les voisins. Il faisait beau, la soirée était chaude, le mois de septembre durait encore. Devant chaque porte, des femmes étaient assises et devisaient comme dans une ville de province par un jour de fête. J'observais d'abord la jeune fille, dont la physionomie était d'une admirable expression et le corps tout posé pour un peintre. C'était une scène ravissante. Je cherchais la cause de cette bonhomie au milieu de Paris. Je remarquais que la rue n'aboutissait à rien et ne devait pas être très passante. En me rappelant le séjour de Jean-Jacques Rousseau dans ce lieu, je trouvai l'hôtel Saint-Quentin et le délabrement dans lequel il était me fit espérer d'y rencontrer un gîte peu coûteux. Je voulus le visiter. En entrant dans une chambre basse, je vis les classiques flambeaux de cuivre garnis de leurs chandelles, méthodiquement rangés au-dessus de chaque clé, et fus frappé de la propreté qui régnait dans cette salle, ordinairement assez mal tenue dans les autres hôtels. Elle était peignée comme un tableau de genre. Son lit bleu, les ustensiles, les meubles avaient la coquetterie d'une nature de convention. Toutes les infortunes sont sœurs. Elles ont le même langage, la même générosité. La générosité de ceux qui ne possèdent rien sont prodigues de sentiments, paient de leur temps et de leur personne. Insensiblement, Pauline s'impatronisa chez moi, voulut me servir, et sa mère ne s'y opposa point. Je vis la mère elle-même raccommodant mon linge et rougissant d'être surprise à cette charitable occupation. Devenue malgré moi leur protégée, j'acceptai leur service. Pour comprendre cette singulière affection, il faut connaître l'emportement du travail, la tyrannie des idées, et cette répugnance instinctive qu'éprouve pour les détails de la vie matérielle l'homme qui vit par la pensée. Pouvais-je résister à la délicate attention avec laquelle Pauline m'apportait à pas muet mon repas frugal, quand elle s'apercevait que depuis 7 ou 8 heures, je n'avais rien pris? Avec les grâces de la femme et l'ingénuité de l'enfance, elle me souriait en faisant un signe pour me dire que je ne devais pas la voir. C'était Ariel se glissant comme un sylphe sous mon toit et prévoyant mes besoins. Un soir, Pauline me raconta son histoire avec une touchante ingénuité. Son père était chef d'escadron dans les grenadiers à cheval de la garde impériale. Au passage de la Bérézina, il avait été fait prisonnier par les Cosaques. Plus tard, quand Napoléon proposa de l'échanger, les autorités russes le firent vainement chercher en Sibérie. Au dire des autres prisonniers, il s'était échappé avec le projet d'aller aux Indes. Depuis ce temps, Madame Gaudin, mon hôtesse, n'avait pu obtenir aucune nouvelle de son mari. Les désastres de 1814 et 1815 étaient arrivés. Seule, sans ressources et sans secours, elle avait pris le parti de tenir un hôtel garni pour faire vivre sa fille. Elle espérait toujours revoir son mari. Son plus cruel chagrin était de laisser Pauline sans éducation. Sa Pauline, fille de la princesse Borghèse, et qui n'aurait pas dû mentir aux belles destinées promises par son impériale protectrice. Quand Madame Gaudin me confia cette amère douleur qui la tuait, et me dit avec un accent déchirant, « Je donnerais bien, et le chiffon de papier qui crée Gaudin, baron de l'Empire, et le droit que nous avons à la dotation de Wichnau pour savoir Pauline élevée à Saint-Denis. » Tout à coup je tressaillis, et pour reconnaître les soins que me prodiguaient ces deux femmes, j'eus l'idée de m'offrir à finir l'éducation de Pauline. La candeur avec laquelle ces deux femmes acceptèrent ma proposition fut égale à la naïveté qui la dictait. J'eus ainsi des heures de récréation. La petite avait les plus heureuses dispositions. Elle apprit avec tant de facilité qu'elle devint bientôt plus forte que je ne l'étais sur le piano. En s'accoutumant à penser tout auprès de moi, elle déployait les mille gentillesses d'un cœur qui s'ouvre à la vie comme le calice d'une fleur lentement dépliée par le soleil. Elle m'écoutait avec recueillement et plaisir, en arrêtant sur moi ses yeux noirs et veloutés qui semblaient sourire. Elle répétait ses leçons d'un accent doux et caressant, en témoignant une joie enfantine quand j'étais content d'elle. Sa mère, chaque jour plus inquiète d'avoir à préserver de tout danger une jeune fille qui développait en croissant toutes les promesses faites par les grâces de son enfance, la vit avec plaisir s'enfermer pendant toute la journée pour étudier. Mon piano étant le seul dont elle put se servir, elle profitait de mes absences pour s'exercer. Quand je rentrais, je la trouvais chez moi, dans la toilette la plus modeste. Mais au moindre mouvement, sa taille souple et les attraits de sa personne se révélaient sous l'étoffe grossière. Elle avait un pied mignon dans d'ignobles souliers, comme l'héroïne du comte de Podane. Mais ses jolis trésors, sa richesse de jeune fille, tout ce luxe de beauté fut comme perdu pour moi. Je m'étais ordonné à moi-même de ne voir qu'une sœur en Pauline. J'aurais eu horreur de tromper la confiance de sa mère. J'admirais cette charmante fille comme un tableau, comme le portrait d'une maîtresse morte. Enfin, c'était mon enfant, ma statue. Pygmalion nouveau, je voulais faire d'une vierge vivante et colorée, sensible et parlante, un marbre. J'étais très sévère avec elle, mais plus je lui faisais éprouver les effets de mon despotisme magistral, plus elle devenait douce et soumise. Si je fus encouragé dans ma retenue et dans ma continence par des sentiments nobles, néanmoins, les raisons de procureur ne me manquèrent pas. Je ne comprends point la probité des écus sans la probité de la pensée. Tromper une femme ou faire faillite a toujours été même chose pour moi. Aimer une jeune fille ou se laisser aimer par elle constitue un vrai contrat, dont les conditions doivent être bien entendues. Nous sommes maîtres d'abandonner la femme qui se vend, mais non pas la jeune fille qui se donne. Elle ignore l'étendue de son sacrifice. J'aurais donc épousé Pauline, et c'eût été une folie. N'était-ce pas livrer une âme douce et vierge à d'effroyables malheurs? Mon indigence parlait son langage égoïste et venait toujours mettre sa main de fer entre cette bonne créature et moi. Puis, je l'avoue à ma honte, je ne conçois pas l'amour dans la misère. Peut-être est-ce en moi une dépravation due à cette maladie humaine que nous nommons la civilisation. Mais une femme, fut-elle attrayante autant que la belle Hélène, la Galatée d'Homère, n'a plus aucun pouvoir sur mes sens pour peu qu'elle soit crottée. Ah, vive l'amour dans la soie! Sur le cachemire, entouré des merveilles du luxe, qui le pare merveilleusement bien, parce que lui-même est un luxe peut-être. J'aime à froisser sous mes désirs de pimpante toilette, à briser des fleurs, à porter une main dévastatrice dans les élégants édifices d'une coiffure embaumée. Des yeux brûlants, cachés par un voile de dentelle, que les regards percent comme la flamme déchire la fumée du canon, m'offrent de fantastiques attraits. Mon amour veut des échelles de soie escaladées en silence, par une nuit d'hiver. Quel plaisir d'arriver couvert de neige dans une chambre éclairée par des parfums, tapissée de soie peinte, et d'y trouver une femme qui elle aussi secoue de la neige. Car est l'autre nom donnèrent ses voiles de voluptueuse mousseline, à travers lesquelles elle se dessine vaguement, comme un ange dans son nuage, et d'où elle va sortir. Puis il me faut encore un craintif bonheur, une audacieuse sécurité. Enfin, je veux revoir cette mystérieuse femme, mais éclatante, mais au milieu du monde, mais vertueuse, environnée d'hommages, vêtue de dentelles, de diamants, donnant ses ordres à la ville, et si haut placée et si imposante que nul n'ose lui adresser des vœux. Au milieu de sa cour, elle me jette un regard à la dérobée, un regard qui dément ses artifices, un regard qui me sacrifie le monde et les hommes. Certes, je me suis 20 fois trouvé ridicule d'aimer quelques zones de blonde, du velours, de fine batiste, les tours de force d'un coiffeur, des bougies, un carrosse, un titre, d'héraldiques couronnes peintes par des vitriers ou fabriquées par un orfèvre, enfin tout ce qu'il y a de factice et de moins femme dans la femme. Je me suis moqué de moi, je me suis raisonné, tout a été vain. Une femme aristocratique et son sourire fin, la distinction de ses manières et son respect d'elle-même m'enchantent. Quand elle met une barrière entre elle et le monde, elle flatte en moi toutes les vanités qui sont la moitié de l'amour. Enviée par tous, ma félicité me paraît avoir plus de saveur. En ne faisant rien de ce que font les autres femmes, en ne marchant pas, ne vivant pas comme elles, en s'enveloppant dans un manteau qu'elles ne peuvent avoir, en respirant des parfums à elles, ma maîtresse me semble être bien mieux à moi. Plus elle s'éloigne de la terre, même dans ce que l'amour a de terrestre, plus elle s'embellit à mes yeux. En France, heureusement pour moi, nous sommes depuis 20 ans sans reine. J'eusse aimé la reine. Pour avoir les façons d'une princesse, une femme doit être riche, en présence de mes romanesques fantaisies qu'était Pauline. Pouvait-elle me vendre des nuits qui coûtent la vie? Un amour qui tue et met en jeu toutes les facultés humaines? Nous ne mourrons guère pour de pauvres filles qui se donnent. Je n'ai jamais pu détruire ses sentiments ni ses rêveries de poète. Je tenais pour l'amour impossible, et le hasard a voulu que je fusse servi par-delà mes souhaits. Combien de fois n'ai-je pas vêtu de satin les pieds mignons de Pauline, emprisonné sa taille svelte comme un jeune peuplier dans une robe de gaze? Jeter sur son sein une légère écharpe en lui faisant fouler les tapis de son hôtel et la conduisant à une voiture élégante. Je l'eusse adorée ainsi. Je lui donnais une fierté qu'elle n'avait pas. Je la dépouillais de toutes ses vertus, de ses grâces naïves, de son délicieux naturel, de son sourire ingénu, pour la plonger dans le Styx de nos vices et lui rendre le cœur invulnérable, pour la farder de nos crimes, pour en faire la poupée fantasque de nos salons, une femme fluette qui se couche au matin pour renaître le soir, à l'aurore des bougies. Elle était tout sentiment, tout fraîcheur, je la voulais sèche et froide. Dans les derniers jours de ma folie, le souvenir m'a montré Pauline comme il nous peint les scènes de notre enfance. Plus d'une fois, je suis resté attendri, songeant à de délicieux moments. Soit que je la revisse assise près de ma table, occupée à coudre, paisible, silencieuse, recueillie et faiblement éclairée par le jour qui, descendant de ma lucarne, dessinait de légers reflets argentés sur sa belle chevelure noire, soit que j'entendis son rire jeune, ou sa voix au timbre riche, chanter les gracieuses cantilènes qu'elle composait sans effort. Souvent, elle s'exaltait en faisant de la musique. Sa figure ressemblait alors d'une manière frappante à la noble tête par laquelle Carlo Dolci a voulu représenter l'Italie. Ma cruelle mémoire me jetait cette jeune fille à travers les excès de mon existence comme un remords, comme une image de la vertu. Mais laissons la pauvre enfant à sa destinée. Quelque malheureuse qu'elle puisse être, au moins l'aurais-je mis à l'abri d'un effroyable orage en évitant de la traîner dans mon enfer. Jusqu'à l'hiver dernier, ma vie fut la vie tranquille et studieuse dont j'ai tâché de te donner une faible image. Dans les premiers jours du mois de décembre 1829, je rencontrai Rastignac, qui, malgré le misérable état de mes vêtements, me donna le bras et s'enquit de ma fortune avec un intérêt vraiment fraternel. Pris à la glu de ses manières, je lui racontai brièvement et ma vie et mes espérances. Il se mit à rire, me traita tout à la fois d'homme de génie et de sot. Sa voix gasconne, son expérience du monde, l'opulence qu'il devait à son savoir-faire, agirent sur moi d'une manière irrésistible. Il me fit mourir à l'hôpital, méconnu comme un niais, conduisit mon propre convoi, me jeta dans le trou des pauvres. Il me parla de charlatanisme. Avec cette verve aimable qui le rend si séduisant, il me montra tous les hommes de génie comme des charlatans. Il me déclara que j'avais un sens de moins, une cause de mort, si je restais seul rue des Cordiers. Selon lui, je devais aller dans le monde, égoïser adroitement, habituer les gens à prononcer mon nom et me dépouiller moi-même de l'humble monsieur qui m'essayait à un grand homme de son vivant. « Les imbéciles, s'écria-t-il, nomment ce métier-là intrigué. Les gens en morale le proscrivent sous le mot de vie dissipée. Ne nous arrêtons pas aux hommes. Interrogeons les résultats. Toi, tu travailles. Eh bien, tu ne feras jamais rien. Moi, je suis propre à tout et bon à rien, paresseux comme un homard. Eh bien, j'arriverai à tout. Je me répands, je me pousse, l'on me fait place. Je me vante, l'on me croit. La dissipation, mon cher, est un système politique. La vie d'un homme occupé à manger sa fortune devient souvent une spéculation. Il place ses capitaux en amis, en plaisir, en protecteur, en connaissance. Un négociant risquerait-il 1 million? Pendant 20 ans, il ne dort, ni ne boit, ni ne s'amuse. Il couve son million, il le fait trotter par toute l'Europe. Il s'ennuie, se donne à tous les démons que l'homme a inventés. Puis, une liquidation le laisse souvent sans un sou, sans un nom, sans un ami. Le dissipateur, lui, s'amuse à vivre, à faire courir ses chevaux. Si par hasard il perd ses capitaux, il a la chance d'être nommé receveur général, de se bien marier, d'être attaché à un ministre, à un ambassadeur. Il a encore des amis, une réputation et toujours de l'argent. Connaissant les ressorts du monde, il les manœuvre à son profit. Ce système est-il logique ou ne suis-je qu'un fou? N'est-ce pas là la moralité de la comédie qui se joue tous les jours dans le monde? Ton ouvrage est achevé, reprit-il après une pause. Tu as un talent immense. Eh bien, tu arrives au point de départ. Il faut maintenant faire ton succès toi-même, c'est plus sûr. Tu iras conclure des alliances avec les coteries, conquérir des preneurs. Moi, je veux me mettre de moitié dans ta gloire. Je serai le bijoutier qui aura monté les diamants de ta couronne. Pour commencer, dit-il, sois ici demain soir. Je te présenterai dans une maison où va tout Paris, notre Paris à nous. Celui des beaux, des gens à millions, des célébrités. Enfin des hommes qui parlent d'or comme Chrysostome. Quand ils ont adopté un livre, le livre devient à la mode. S'il est réellement bon, ils ont donné quelques brevets de génie sans le savoir. Si tu as de l'esprit, mon cher enfant, tu feras toi-même la fortune de ta théorie en comprenant mieux la théorie de la fortune. Demain soir, tu verras la belle comtesse Fedora, la femme à la mode. Je n'en ai jamais entendu parler. Tu es un cafre, dit Rastignac en riant. « Ne pas connaître Fedora, une femme mariée qui possède près de 80 000 livres de rente, qui ne veut de personne ou dont personne ne veut. Espèce de problème féminin, une Parisienne à moitié russe, une Russe à moitié parisienne. Une femme chez laquelle s'éditent toutes les productions romantiques qui ne paraissent pas. La plus belle femme de Paris, la plus gracieuse. Tu n'es même pas un cafre. Tu es la bête intermédiaire qui joint le cafre à l'animal. Adieu, à demain. » Il fit une pirouette et disparut sans attendre ma réponse, n'admettant pas qu'un homme raisonnable pût refuser d'être présenté à Fedora. Comment expliquer la fascination d'un nom? Fedora me poursuivit comme une mauvaise pensée avec laquelle on cherche à transiger. Une voix me disait « Tu iras chez Fedora ». J'avais beau me débattre avec cette voix et lui crier qu'elle mentait. Elle écrasait tous mes raisonnements avec ce nom « Fedora ». Mais ce nom, cette femme n'était-il pas le symbole de tous mes désirs et le thème de ma vie? Le nom réveillait les poésies artificielles du monde, faisait briller les fêtes du Haut-Paris et les clinquants de la vanité. La femme m'apparaissait avec tous les problèmes de passion dont je m'étais affolé. Ce n'était peut-être ni la femme ni le nom, mais tous mes vices qui se dressaient debout dans mon âme pour me tenter de nouveau. La comtesse Fedora, riche et sans amant, résistant à des séductions parisiennes, n'était-ce pas l'incarnation de mes espérances, de mes visions. Je me créais une femme, je la dessinais dans ma pensée, je la rêvais. Pendant la nuit, je ne dormis pas, je devins son amant. Je fis tenir en peu d'heures une vie entière, une vie d'amour. J'en savourais les fécondes, les brûlantes délices. Le lendemain, incapable de soutenir le supplice d'attendre longuement la soirée, j'allai louer un roman et passai la journée à le lire, me mettant ainsi dans l'impossibilité de penser ni de mesurer le temps. Pendant ma lecture, le nom de Fedora retentissait en moi comme un son que l'on entend dans le lointain, qui ne vous trouble pas, mais qui se fait écouter. Je possédais heureusement encore un habit noir et un gilet blanc assez honorables. Puis, de toute ma fortune, il me restait environ 30 francs, que j'avais semés dans mes hardes, dans mes tiroirs, afin de mettre entre une pièce de 100 sous et mes fantaisies la barrière épineuse d'une recherche et les hasards d'une circumnavigation dans ma chambre. Au moment de m'habiller, je poursuis mon trésor à travers un océan de papier. La rareté du numéraire peut te faire concevoir ce que mes gants et mon fiacre emportèrent de richesse. Ils mangèrent le pain de tout un mois. Hélas, nous ne manquons jamais d'argent pour nos caprices. Nous ne discutons que le prix des choses utiles ou nécessaires. Nous jetons l'or avec insouciance à des danseuses et nous marchandons un ouvrier dont la famille affamée attend le paiement d'un mémoire. Combien de gens ont un habit de 100 francs, un diamant à la pomme de leur canne et dînent à 25 sous? Il semble que nous n'achetions jamais assez cher les plaisirs de la vanité. Rastignac, fidèle au rendez-vous, sourit de ma métamorphose et m'en plaisanta. Mais, tout en allant chez la comtesse, il me donna de charitables conseils sur la manière de me conduire avec elle. Il me la peignit avare, vaine et défiante. Mais avare avec faste, vaine avec simplicité, défiante avec bonhomie. « Tu connais mes engagements, me dit-il, et tu sais combien je perdrais à changer d'amour. » En observant Fedora, j'étais désintéressé, de sang-froid. Mes remarques doivent être justes. En pensant à te présenter chez elle, je songeais à ta fortune. Ainsi, prends garde à tout ce que tu lui diras. Elle a une mémoire cruelle. Elle est d'une adresse à désespérer un diplomate. Elle saurait deviner le moment où il dit vrai. Entre nous, je crois que son mariage n'est pas reconnu par l'empereur, car l'ambassadeur de Russie s'est mis à rire quand je lui ai parlé d'elle. Il ne la reçoit pas et la salue fort légèrement quand il la rencontre au bois. Néanmoins, elle est de la société de Madame de Sérisy, va chez Mesdames de Nucingen et de Resto. En France, sa réputation est intacte. La duchesse de Carigliano, la maréchale la plus collémontée de toute la coterie bonapartiste, va souvent passer avec elle la belle saison à sa terre. Beaucoup de jeunes fats, le fils d'un pair de France, lui ont offert un nom en échange de sa fortune. Elle les a tous poliment y conduits. Peut-être sa sensibilité ne commence-t-elle qu'au titre de comte. N'es-tu pas marquis? Marche en avant si elle te plaît. Voilà ce que j'appelle donner des instructions. Cette plaisanterie me fit croire que Rastignac voulait rire et piquer ma curiosité, en sorte que ma passion improvisée était arrivée à son paroxysme quand nous nous arrêtâmes devant un péristyle orné de fleurs. En montant un vaste escalier tapissé, où je remarquais toutes les recherches du comfort anglais, le cœur me battit. J'en rougissais. Je démentais mon origine, mes sentiments, ma fierté. J'étais sottement bourgeois. Hélas, je sortais d'une mansarde, après 3 années de pauvreté, sans savoir encore mettre au-dessus des bagatelles de la vie ces trésors acquis, ces immenses capitaux intellectuels qui vous enrichissent en un moment, quand le pouvoir tombe entre vos mains sans vous écraser, parce que l'étude vous a formé d'avance aux luttes politiques. J'aperçus une femme d'environ 22 ans, de moyenne taille, vêtue de blanc, entourée d'un cercle d'hommes, mollement couchée sur une ottomane, et tenant à la main un écran de plumes. En voyant entrer Rastignac, elle se leva, vint à nous, sourit avec grâce, me fit d'une voix mélodieuse un compliment sans doute apprêté. Notre ami m'avait annoncé comme un homme de talent, et son adresse, son emphase gasconne, me procurèrent un accueil flatteur. Je fus l'objet d'une attention particulière qui me rendit confus. Mais Rastignac avait heureusement parlé de ma modestie. Je rencontrai là des savants, des gens de lettres, d'anciens ministres, des pairs de France. La conversation reprit son cours quelque temps après mon arrivée, et sentant que j'avais une réputation à soutenir, je me rassurai. Puis, sans abuser de la parole quand elle m'était accordée, je tâchai de résumer les discussions par des mots plus ou moins incisifs, profonds ou spirituels. Je produisis quelques sensations. Pour la 1000e fois de sa vie, Rastignac fut prophète. Quand il y eut assez de monde pour que chacun retrouvât sa liberté, mon introducteur me donna le bras, et nous nous promenâmes dans les appartements. « N'aie pas l'air d'être trop émerveillé de la princesse, me dit-il. Elle devinerait le motif de ta visite. » Les salons étaient meublés avec un goût exquis. J'y vis des tableaux de choix. Chaque pièce avait, comme chez les Anglais les plus opulents, son caractère particulier. La tenture de soie, les agréments, la forme des meubles, le moindre décor, s'harmoniaient avec une pensée première. Dans un boudoir gothique, dont les portes étaient cachées par des rideaux en tapisserie, les encadrements de l'étoffe, la pendule, les dessins du tapis étaient gothiques. Le plafond, formé de solives brunes sculptées, présentait à l'œil des caissons pleins de grâce et d'originalité. Les boiseries étaient artistement travaillées. Rien ne détruisait l'ensemble de cette jolie décoration, pas même les croisées, dont les vitraux étaient coloriés et précieux. Je fus surpris à l'aspect d'un petit salon moderne, où je ne sais quel artiste avait épuisé la science de notre décor, si léger, si frais, si suave, sans éclat, sobre de dorure. C'était amoureux et vague comme une ballade allemande, un vrai réduit taillé pour une passion de 1827, embaumé par des jardinières pleines de fleurs rares. Après ce salon, j'aperçus en enfilade une pièce dorée où revivait le goût du siècle de Louis XIV, qui, opposé à nos peintures actuelles, produisait un bizarre mais agréable contraste. « Tu seras assez bien logé, » me dit Rastignac avec un sourire où perçait une légère ironie. « N'est-ce pas séduisant ? » ajouta-t-il en s'asseyant. Tout à coup il se leva, me prit par la main, me conduisit à la chambre à coucher et me montra sous un dais de mousseline et de moire blanche un lit voluptueux doucement éclairé, le vrai lit d'une jeune fée fiancée à un génie. « N'y a-t-il pas ? » s'écria-t-il à voix basse, « de l'impudeur, de l'insolence et de la coquetterie outre mesure à nous laisser contempler ce trône de l'amour ? Ne se donner à personne et permettre à tout le monde de mettre là sa carte. Si j'étais libre, je voudrais voir cette femme soumise et pleurant à ma porte. Es-tu donc si certain de sa vertu ? Les plus audacieux de nos maîtres et même les plus habiles avouent avoir échoué près d'elle, l'aiment encore et sont ses amis dévoués. Cette femme n'est-elle pas une énigme ? Ces paroles excitèrent en moi une sorte d'ivresse, ma jalousie craignait déjà le passé. Tressaillant d'aise, je revins précipitamment dans le salon où j'avais laissé la comtesse, que je rencontrais dans le boudoir gothique. Elle m'arrêta par un sourire, me fit asseoir près d'elle, me questionna sur mes travaux, et sembla s'y intéresser vivement, surtout quand je lui traduisis mon système en plaisanterie, au lieu de prendre le langage d'un professeur pour le lui développer doctoralement. Elle parut s'amuser beaucoup en apprenant que la volonté humaine était une force matérielle semblable à la vapeur, que dans le monde moral, rien ne résistait à cette puissance quand un homme s'habituait à la concentrer, à en manier la somme, à diriger constamment sur les âmes la projection de cette masse fluide, que cet homme pouvait à son gré tout modifier relativement à l'humanité, même les lois les plus absolues de la nature. Je me complus à lui donner raison pendant quelques moments pour la flatter, et je détruisis ses raisonnements de femme par un mot, en attirant son attention sur un fait journalier dans la vie, le sommeil, fait vulgaire en apparence, mais au fond plein de problèmes insolubles pour le savant. Je piquai sa curiosité. Elle resta même un instant silencieuse quand je lui dis que nos idées étaient des êtres organisés, complets, qui vivaient dans un monde invisible et influaient sur nos destinées, en lui citant pour preuve les pensées de Descartes, de Diderot, de Napoléon, qui avaient conduit, qui conduisait encore tout un siècle. J'eus l'honneur de l'amuser. Elle me quitta en m'invitant à la venir voir. En style de cour, elle me donna les grandes entrées. Soit que je prisse, selon ma louable habitude, des formules polies pour des paroles de cœur, soit qu'elle vit en moi quelque célébrité prochaine et voulut augmenter sa ménagerie de savant, je crus lui plaire. J'évoquai toutes mes connaissances physiologiques et mes études antérieures sur la femme, pour examiner minutieusement pendant cette soirée sa personne et ses manières. Caché dans l'embrasure d'une fenêtre, j'espionnais ses pensées en les cherchant dans son maintien, en étudiant ce manège d'une maîtresse de maison qui va et vient, s'assied et cause, appelle un homme, l'interroge, et s'appuie pour l'écouter sur un chambranle de porte. Je remarquais dans sa démarche un mouvement brisé si doux, une ondulation de robe si gracieuse. Elle excitait si puissamment le désir, que je devins alors très incrédule sur sa vertu. Si Fedora méconnaissait aujourd'hui l'amour, elle avait dû jadis être fort passionnée. Une volupté savante se peignait jusque dans la manière dont elle se posait devant son interlocuteur. Elle se soutenait sur la boiserie avec coquetterie, comme une femme près de tomber, mais aussi près de s'enfuir si quelque regard trop vif l'intimide. Les bras mollement croisés, paraissant respirer les paroles, les écoutant même du regard et avec bienveillance, elle exhalait le sentiment. Ses lèvres fraîches et rouges tranchaient sur un teint d'une vive blancheur. Ses cheveux bruns faisaient assez bien valoir la couleur orangée de ses yeux mêlés de veines comme une pierre de Florence et dont l'expression semblait ajouter de la finesse à ses paroles. Son corsage était paré des grâces les plus attrayantes. Une rivale aurait peut-être accusé de dureté ses épais sourcils qui paraissaient se rejoindre et blâmé l'imperceptible duvet qui ornait les contours de son visage. Je trouvais la passion empreinte en tout. L'amour était écrit sur ses paupières italiennes, sur ses belles épaules dignes de la Vénus de Milo, dans ses traits, sur sa lèvre supérieure un peu forte et légèrement ombragée. Cette femme était un roman. Ses richesses féminines, l'ensemble harmonieux des lignes, les promesses que cette riche structure faisait à la passion, étaient tempérées par une réserve constante, par une modestie extraordinaire, qui contrastait avec l'expression de toute la personne. Il fallait une observation aussi sagace que la mienne pour découvrir dans cette nature les signes d'une destinée de volupté. Pour expliquer plus clairement ma pensée, il y avait en elle deux femmes séparées par le buste, peut-être. L'une était froide, la tête seule semblait être amoureuse. Avant d'arrêter ses yeux sur un homme, elle préparait son regard, comme s'il se passait je ne sais quoi de mystérieux en elle-même. Vous eussiez dit une convulsion dans ses yeux si brillants. Enfin, où ma science était imparfaite, et j'avais encore bien des secrets à découvrir dans le monde moral, où la comtesse possédait une belle âme, dont les sentiments et les émanations communiquaient à sa physionomie ce charme qui nous subjugue et nous fascine, ascendant tout moral, et d'autant plus puissant qu'il s'accorde avec les sympathies du désir. Je sortis ravi, séduit par cette femme, enivré par son luxe, chatouillé dans tout ce que mon cœur avait de noble, de vicieux, de bon, de mauvais. En me sentant si ému, si vivant, si exalté, je crus comprendre l'attrait qui amenait là ces artistes, ces diplomates, ces hommes de pouvoir, ces agioteurs doublés de tôle comme leurs caisses. Sans doute, ils venaient chercher près d'elle l'émotion délirante qui faisait vibrer en moi toutes les forces de mon être, fouettait mon sang dans la moindre veine, agaçait le plus petit nerf et tressaillait dans mon cerveau. Elle ne s'était donnée à aucun pour les garder tous. Une femme est coquette tant qu'elle n'aime pas. Puis, dis-je à Rastignac, elle a peut-être été mariée ou vendue à quelque vieillard, et le souvenir de ses premières noces lui donne de l'horreur pour l'amour. Je revins à pied du faubourg Saint-Honoré où Fédéra demeure. Entre son hôtel et la rue des Cordiers, il y a presque tout Paris. Le chemin me parut court et, cependant, il faisait froid. Entreprendre la conquête de Fédéra dans l'hiver, un rude hiver, comme je n'avais pas 30 francs à ma possession, quand la distance qui nous séparait était si grande. Un jeune homme pauvre peut seul savoir ce qu'une passion coûte en voiture, en gants, en habits, en linge, etc. Si l'amour reste un peu trop de temps platonique, il devient ruineux. Vraiment, il y a des lausins de l'école de droit auxquels il est impossible d'approcher d'une passion logée à un premier étage. Et comment pouvais-je lutter, moi, faible, grêle, mi-simplement, pâle et hâve comme un artiste en convalescence d'un ouvrage, avec des jeunes gens bien frisés, jolis, pimpants, cravatés à désespérer toute la Croatie, riches, armés de tilbury et vêtus d'impertinence. Bah, Fédéra ou la mort ? Criai-je au détour d'un pont. Fédéra, c'est la fortune. Le beau boudoir gothique et le salon à la Louis XIV passèrent devant mes yeux. Je revis la comtesse avec sa robe blanche, ses grandes manches gracieuses et sa séduisante démarche et son corsage tentateur. Quand j'arrivai dans ma mansarde nue, froide, aussi mal peignée que le sont les perruques d'un naturaliste, j'étais encore environné par les images du luxe de Fédéra. Ce contraste était un mauvais conseiller. Les crimes doivent naître ainsi. Je maudis alors, en frissonnant de rage, ma décente et honnête misère, ma mansarde féconde où tant de pensées avaient surgi. Je demandais compte à Dieu, au diable, à l'état social, à mon père, à l'univers entier, de ma destinée, de mon malheur. Je me couchais tout affamé, grommelant de risibles imprécations, mais bien résolu de séduire Fédéra. Ce cœur de femme était un dernier billet de loterie chargé de ma fortune. Je te ferai grâce de mes premières visites chez Fédéra, pour arriver promptement au drame. Tout en tâchant de m'adresser à son âme, j'essayais de gagner son esprit, d'avoir sa vanité pour moi. Afin d'être sûrement aimée, je lui donnais 1000 raisons de mieux s'aimer elle-même. Jamais je ne la laissais dans un état d'indifférence. Les femmes veulent des émotions à tout prix, je les lui prodiguais. Je l'eusse mise en colère plutôt que d'avoir insouciante avec moi. Si d'abord, animé d'une volonté ferme et du désir de me faire aimer, je pris un peu d'ascendant sur elle, bientôt ma passion grandit, je ne fus plus maître de moi, je tombai dans le vrai, je me perdis, et devint éperdument amoureux. Je ne sais pas bien ce que nous appelons, en poésie ou dans la conversation, amour, mais le sentiment qui se développa tout à coup dans ma double nature, je ne l'ai trouvé peint nulle part, ni dans les phrases rhétoriques et apprêtées de Jean-Jacques Rousseau, de qui j'occupais peut-être le logis, ni dans les froides conceptions de nos deux siècles littéraires, ni dans les tableaux de l'Italie. La vue du lac de Brienne, quelques motifs de Rossini, la Madone de Murillo, que possède le maréchal Soult, les lettres de Lescombat, certains mots épars dans les recueils d'anecdotes, mais surtout les prières des extatiques et quelques passages de nos fabliaux, ont pu seuls me transporter dans les divines régions de mon premier amour. Rien dans les langages humains, aucune traduction de la pensée faite à l'aide des couleurs, des marbres, des mots ou des sons, ne saurait rendre le nerf, la vérité, le fini, la soudaineté du sentiment dans l'âme. Oui, qui dit art, dit mensonge. L'amour passe par des transformations infinies, avant de se mêler pour toujours à notre vie, et de l'atteindre à jamais de sa couleur de flamme. Le secret de cette infusion imperceptible échappe à l'analyse de l'artiste. La vraie passion s'exprime par des cris, par des soupirs ennuyeux pour un homme froid. Il faut aimer sincèrement, pour être de moitié dans les rugissements de Lovelace, en lisant Clarisse Harlowe. L'amour est une source naïve, partie de son lit de cresson, de fleurs, de gravier, qui rivière, qui fleuve, change de nature et d'aspect à chaque flot et se jette dans un incommensurable océan où les esprits incomplets voient la monotonie, où les grandes âmes s'abîment en de perpétuelles contemplations. Comment oser décrire ces teintes transitoires du sentiment, ces riens qui ont tant de prix, ces mots dont l'accent épuise les trésors du langage, ces regards plus féconds que les plus riches poèmes? Dans chacune des scènes mystiques par lesquelles nous nous éprenons insensiblement d'une femme, s'ouvre un abîme à engloutir toutes les poésies humaines. Et comment pourrions-nous reproduire par des gloses les vives et mystérieuses agitations de l'âme quand les paroles ne manquent pour peindre les mystères visibles de la beauté? Quelle fascination! Combien d'heures ne suis-je pas resté plongé dans une extase ineffable, occupé à la voir? Heureux de quoi? Je ne sais. Dans ces moments, si son visage était inondé de lumière, il s'y opérait je ne sais quel phénomène qui le faisait resplendir. L'imperceptible duvet dore sa peau délicate et fine, en dessinait mollement les contours avec la grâce que nous admirons dans les lignes lointaines de l'horizon quand elles se perdent dans le soleil. Il semblait que le jour la caressât en s'unissant à elle, ou qu'il s'échappât de sa rayonnante figure une lumière plus vive que la lumière même. Puis, une ombre passant sur cette douce figure y produisait une sorte de couleur qui en variait les expressions en en changeant les teintes. Souvent, une pensée semblait se peindre sur son front de marbre. Son œil paraissait rougir, sa paupière vacillait, ses traits ondulaient, agités par un sourire. Le corail intelligent de ses lèvres s'animait, se dépliait, se repliait. Je ne sais quel reflet de ses cheveux jetait des tons bruns sur ses tempes fraîches. À chaque accident, elle avait parlé. Chaque nuance de beauté donnait des fêtes nouvelles à mes yeux, révélait des grâces inconnues à mon cœur. Je voulais lire un sentiment, un espoir dans toutes ces phases du visage. Ces discours muets pénétraient d'âme à âme comme un son dans l'écho et me prodiguaient des joies passagères qui me laissaient des impressions profondes. Sa voix me causait un délire que j'avais peine à comprimer. Imitant je ne sais quel prince de Lorraine, j'aurais pu ne pas sentir un charbon ardent au creux de ma main pendant qu'elle aurait passé dans ma chevelure ses doigts chatouilleux. Ce n'était plus une admiration, un désir, mais un charme, une fatalité. Souvent, rentrée sous mon toit, je voyais indistinctement Fedora chez elle et participais vaguement à sa vie. Si elle souffrait, je souffrais, et je lui disais le lendemain « Vous avez souffert ». Combien de fois n'est-elle pas venue au milieu des silences de la nuit, évoquée par la puissance de mon extase? Tantôt, soudaine comme une lumière qui jaillit, elle abattait ma plume et l'effarouchait la science et l'étude qui s'enfuyaient, désolée. Elle me forçait à l'admirer en reprenant la pose attrayante où je l'avais vue naguère. Tantôt j'allais moi-même au-devant d'elle dans le monde des apparitions et la saluais comme une espérance en lui demandant de me faire entendre sa voix argentine. Puis je m'éveillais en pleurant. Un jour, après m'avoir promis de venir au spectacle avec moi, tout à coup elle refusa capricieusement de sortir et me pria de la laisser seule. Désespéré d'une contradiction qui me coûtait une journée de travail, et le dirai-je, mon dernier écu, je me rendis là où elle aurait dû être, voulant voir la pièce qu'elle avait désiré voir. À peine placée, je reçus un coup électrique dans le cœur. Une voix me dit « Elle est là ». Je me retourne, j'aperçois la comtesse au fond de sa loge, cachée dans l'ombre, au rez-de-chaussée. Mon regard n'hésita pas. Mes yeux la trouvèrent tout d'abord avec une lucidité fabuleuse. Mon âme avait volé vers sa vie comme un insecte vola sa fleur. Par quoi mes sens avaient-ils été avertis? Il est de ces tressaillements intimes qui peuvent surprendre les gens superficiels, mais ces effets de notre nature intérieure sont aussi simples que les phénomènes habituels de notre vision extérieure. Aussi ne fus-je pas étonné, mais fâché. Mes études sur notre puissance morale, si peu connue, servaient au moins à me faire rencontrer dans ma passion quelques preuves vivantes de mon système. Cette alliance du savant et de l'amoureux, d'une cordiale idolâtrie et d'un amour scientifique, avait je ne sais quoi de bizarre. La science était souvent contente de ce qui désespérait l'amant, et quand il croyait triompher, l'amant chassait loin de lui la science avec bonheur. Fédora me vit et devint sérieuse, je la gênais. Au premier entracte, j'allais lui faire une visite. Elle était seule, je restais. Quoique nous n'eussions jamais parlé d'amour, je pressentis une explication. Je ne lui avais point encore dit mon secret, et cependant il existait entre nous une sorte d'entente. Elle me confiait ses projets d'amusement, et me demandait la veille avec une sorte d'inquiétude amicale si je viendrais le lendemain. Elle me consultait par un regard quand elle disait un mot spirituel, comme si elle eût voulu me plaire exclusivement. Si je boudais, elle devenait caressante. Si elle faisait la fâchée, j'avais en quelque sorte le droit de l'interroger. Si je me rendais coupable d'une faute, elle se laissait longtemps supplier avant de me pardonner. Ces querelles, auxquelles nous avions pris goût, étaient pleines d'amour. Elle y déployait tant de grâce et de coquetterie, et moi j'y trouvais tant de bonheur. En ce moment, notre intimité fut tout à fait suspendue, et nous restâmes l'un devant l'autre comme deux étrangers. La comtesse était glaciale, moi j'appréhendais un malheur. « Vous allez m'accompagner ?» me dit-elle quand la pièce fut finie. Le temps avait changé subitement. Lorsque nous sortîmes, il tombait une neige mêlée de pluie. La voiture de Fedora ne put arriver jusqu'à la porte du théâtre. En voyant une femme bien mise obligée de traverser le boulevard, un commissionnaire étendit son parapluie au-dessus de nos têtes et réclama le prix de son service quand nous fûmes montés. Je n'avais rien. J'eusse alors vendu 10 ans de ma vie pour avoir 2 sous. Tout ce qui fait l'homme et ses 1000 vanités furent écrasés en moi par une douleur infernale. Ces mots « Je n'ai pas de monnaie, mon cher » furent dits d'un ton dur qui parut venir de ma passion contrariée, dit par moi, frère de cet homme, moi qui connaissais si bien le malheur, moi qui jadis avais donné 700 000 francs avec tant de facilité. Le valet repoussa le commissionnaire et les chevaux fendirent l'air.